Avant de démarrer ce micro ouvert, on s'écoute un morceau de musique, en plus un balèze, avant de rencontrer Bernard Delville, ingénieur des mines et un des tout premiers à avoir installé dans les années 80 une éolienne dans un bled. Gonna run to cinnamon. Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me? Bernard Delville à Pondrome. Tu Tu sais que moi, quand j'ai cherché le chemin, c'était, tu disais pont de Rome, comme ça s'écrit, comme ça s'entend, mais pont, je l'ai écrit P-O-N-T. Évidemment. Et donc, Bernard, ça fait longtemps que je dois te rencontrer. Je t'explique vite. Je faisais de la radio dans plein d'éco-villages en France. Et même en France, on te connaît disant « Bah oui, t'es le gars à Ménil, l'église, qui avait créé tout un projet. Peut-être même, j'invente, la première éolienne ou bien non ?» La première petite éolienne. Non, la première éolienne, propriété d'enfants. Ça, c'est clair qu'il y a plus de 10 ans, j'ai monté ce projet. Qui a réussi et qu'on a micro voulu répéter ouvert. Parce que tout le monde dit ouais c'est génial mais il n'y a pas beaucoup de monde qui est réellement un moteur, il n'y a pas beaucoup de moteurs d'action et donc on l'a répété en France ici en Champagne à Ardennes avec des amis français et j'ai monté ce projet ou en tout cas cherchant à le monter au Québec, en Pologne, mon épouse est polonaise et alors pour moi le grand projet reste Tchernobyl, hein, où j'ai même eu des contacts à Tchernobyl. J'ai été là-bas, j'ai bousculé le maire de Slavotich, la ville à côté, comme un sauvage. Je suis arrivé en lui disant « On va faire une éolienne, propriété des enfants, on l'amènera de Belgique, on s'arrêtera partout, tous les enfants mettront leur prénom sur les ailes et on mettra ça en face de la centrale. Hein. » Ce projet, bon, il me tient à cœur, il est... Mais quoi, il en est où alors du coup maintenant ça a été quand même assez loin dans la mesure où j'avais quand même du soutien à la communauté européenne. Mais les relations avec l'Ukraine ont capoté, l'Union européenne et l'Ukraine à un moment donné ça a mal tourné. Puis il y a cette guerre de Crimée, enfin la guerre de Dom-Tom dans l'Est, la prise de la Crimée par les Russes. Les relations sont compliquées. Pourtant, j'ai lu récemment qu'il y avait une concession éolienne qui avait été accordée à un groupement que je pourrais chercher à contacter hein, dans la zone interdite de Tchernobyl. Donc voilà, ça peut renaître. En fait, tu sais, un projet, parfois, c'est pas au bon moment. L'idée est là. Moi, j'ai fait des projets 10 ans plus tard. Mais dès l'instant où il reste dans ta tête, et qu'à un moment donné, l'occasion se présente, plop, tu sautes dessus. Mais on va y revenir à ce projet, on va un peu plus le développer, parce que les éoliennes, toi, tu ne fais pas des éoliennes, parce que les gens commencent à en avoir marre des éoliennes, même ceux qui se disent alternatifs et qui sont pour les énergies. Je lisais récemment un petit journal du côté, justement, des Ardennes belges, comme ça, un petit journal local des Ardennes belges, les gens... en ont marre de voir ces énormes éoliennes. Bon, je dirais pas ça, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Quelques personnes en ont marre, il y a plein de gens qui en ont marre toujours de quelque chose. Hein. Donc, je ne verrais pas attends, ça comme ça. Parce qu'en gros, c'est un business en soi aussi, hein, ces énormes éoliennes. Il y a moyen de tourner ce business totalement autrement. Hein. En fait, pourquoi est-ce que moi, j'ai été dans l'éolien? En fait, je suis dans les énergies renouvelables depuis... Après le mass moving, j'ai commencé de l'énergie solaire en 73. Après le quoi, t'as dit? Le mass moving. Hein? C'est quoi? Ah bon, ben, le mass moving, c'est toute une aventure post-universitaire. C'est un groupe d'action agit-prop, hein, de la culture dans la rue. On a fait des tas de projets éphémères qui font histoire maintenant, hein, qui étaient prémonitoires. Hein, on a lâché 10 000 papillons en Plaza San Marco à Venise. On a fait des réserves d'eau pure dans l'Himalaya. Et une réserve d'eau pure en 1973 dans les neiges éternelles. Si tu vas sur Google Maps maintenant et que tu regardes Machu Picchu, il n'y a plus de neige éternelle. Hein. Quoi, tu avais quel âge à ce moment-là alors? En 73, moi j'avais 28 ans, un truc comme ça. Quoi. J'ai 75. Donc, t'étais tout jeune et... Tu croyais possible un autre monde, quoi? Bon, d'abord, je suis un 68er. Ça dit ce que ça veut dire. Hein. Ouais, mais des fois, c'est pas forcément... Il faut savoir, parce que c'est très polémique aussi, oui, ça. Oui. Hein. Mais il y a, bon... Il y avait des fausses à 68er, comme toujours. Tu vois, il y a... Dans le monde révolutionnaire, on va dire, c'est presque toujours la même aventure. Tu as les utopistes, hein, qui viennent avec des idées de changement, de bouleversement, etc., etc. Lénine est un utopiste. Il s'est entouré, à un moment donné, de révolutionnaires professionnels, on va dire, qu'il a fallu rémunérer pour agiter tout le monde. Et puis quand la révolution se passe, s'adapte, ça doit être intégré à une société dans tous les domaines, ce qui est hyper compliqué. Il y a les opportunistes, hein, c'est toujours le même schéma, utopiste, opportuniste, qui change de casquette parce que le vent a tourné et ils n'ont pas le choix. Hein, bon. Et puis il y a les arrivistes, et ça c'est la pire des races. Hein. Donc moi, sortant de l'Union, en 68... Et toi tu te situes où toi? Moi je suis un utopiste, c'est un peu plus clair. Hein. Donc 68, je suis un utopiste, je finis mes études d'ingénieur. J'ai fait les mines. Hein. C'est quoi ça, ingénieur des mines? C'était une question que j'avais préparée, ça. Qu'est-ce que c'est, quoi, ingénieur des mines? Bon, mais quelle drôle d'idée, quoi. Non, c'est pas une drôle d'idée, moi. D'abord, c'est les ingénieurs des mines, c'était les ingénieurs, allez, début du 20e, c'était tous des ingénieurs des mines. Hein. C'était une formation complète. Où on connaissait la mécanique, on connaissait l'électricité, on apprenait la gestion, on apprenait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mines en Belgique. On exploitait les mines de charbon, voilà, et donc... Mais quoi, tu veux dire alors que tu étais un ingénieur qui faisait en sorte que ces mines continuent d'exister, qu'elles ne s'écroulent pas et des choses comme ça? C'est ça que ça veut dire? Un ingénieur des mines, c'est quelqu'un dont le métier, c'est d'exploiter des mines, des carrières, des puits de pétrole. Hein, en trouver des nouveaux, quoi, des nouvelles plutôt. Oui. Donc, il y a une grosse base, une grosse formation en géologie, hein, parce que une ressource minière, souvent, c'est dans le sol. Hein, et donc, il faut connaître la géologie pour savoir où se trouve le gisement, comment l'approcher. Même chose avec le pétrole. En fait, j'ai fait mon stage dans le pétrole. J'étais en Angola sur les barges de Pétrangol, Petrofina, en fait. Et ben voilà, donc, pour aller chercher du pétrole à 1000 mètres de profondeur, ben... Il faut savoir si tu passes une couche de granit où tu ne sais pas passer tes forêts parce que c'est tellement dur. Hein, il faut connaître. Bon, donc moi, j'ai fait les mines parce que j'aimais la géologie. Okay. Et il y a du pétrole en Belgique? Bah non, il n'y en a pas en Asie, on espérait. Et pourquoi il n'y en a pas en Belgique? Bah, parce que... C'est quoi la raison en fait? Mais il n'y a pas de gisement de pétrole parce qu'il n'y a pas eu la transformation, au fond c'est la transformation de forêt, c'est du carbone hein, qui se transforme en huile et en gaz. Hein. Bah, tout simplement, on n'a pas eu les conditions pour que ça existe ici, c'est tout. Climatique quoi du coup? Bah, tu parles quand tu dis les conditions? Les conditions d'abord d'avoir le gisement primaire au départ, hein, et puis finalement, les forces tectoniques qui transforment, qui pressent, etc. On n'est pas dans une zone où ça s'est développé, c'est tout. Ce n'est pas partout sur la Terre. Oui, le pétrole n'est pas partout sur la Terre. C'est ça qui fait aussi que... Et souvent, le pétrole est accompagné de gaz. Parce que dans la transformation de la biomasse, ça fait de l'huile. Et puis, ça fait du gaz et de l'eau. Bon, souvent les gisements gazeux sont proches de gisements de fioul. Bah on y revient. Après, tu arrêtes ingénieur des mines et tu fais ingénieur éco-construction. Mais on va y venir. Mon parcours il est bien plus long que ça. Oui, mais ça, tu vas l'expliquer. De l'UNIF, moi, et j'ai pas envie de travailler. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai des idées gauchistes. Je vais pas aller travailler pour les grosses boîtes. Capitaliste, etc. J'ai pas du tout envie. Et parce que c'est dans l'air du temps, c'est la marginalité, c'est quand même. C'est une époque charnière, hein, les années 65 à 70. Tout se passe à ce moment-là. Hein. La décolonisation, la libération de la femme, la pilule, le divorce, tout se passe. Hein, c'est une période très, très intéressante. J'aime bien parce que tu dis, la décolonisation, mais la décolonisation n'est pas... Aujourd'hui, elle est toujours là, la colonie, hein, mais sous une autre forme, oui, quoi. Oui, d'accord, mais bon, on va pas revenir... Vous y croyez à l'époque? Ben, c'est pas qu'on y croyait, il y avait des luttes armées, il y avait quand même Une des dernières colonies à être libérées, c'est l'Angola hein, et le Mozambique, c'est les Portugais. Mais le Frelimo, le MPLA, qui étaient les groupes armés cherchant la libération du pays, c'était pas rigolo. Hein, l'armée portugaise, elle était sur les dents de tous les côtés. C'est la même chose avec les Français en Algérie. Hein, c'était une colonie, hein, on peut l'appeler comme on veut. Tu veux dire qu'à ces époques-là, ça remuait, ça bougeait, il y avait de l'action. T'as la guerre du Vietnam, pas oublier la guerre du Vietnam. T'as les mouvements noirs très très forts, parce que maintenant on vient de connaître un nouvel épisode du racisme aux États-Unis, mais à l'époque il y avait les Black Panthers qui étaient armés. C'était des mouvements armés. Ils ont raison, hein. Faut se défendre. Enfin, moi je dis ça, mais je le pense vraiment, moi, hein, mais ça va vite, on fait des raccourcis. Je m'en fiche ce que pensent les gens de mes opinions. Moi, je trouve que les gens brimés, ils ont tous les droits pour foutre le dictateur et les salopards au bûcher, quoi. Hein, évidemment, c'est évident. Si moi j'étais occupé par. On l'est, hein, bon. On serait en révolte permanente. Mais moi, je suis en révolte permanente. J'aime pas ce système, j'aime pas la manière dont on conduit nos vies. Voilà, bon. On va rentrer de toute façon dans le vif du sujet, mais moi, j'avais envie de te rencontrer, Bernard, parce que voilà, t'es un peu une figure comme ça, forte en Belgique. T'es aimé, détesté, enfin voilà, c'est hein, quand on dit Bernard Delville, celui-là, voilà. Parce que tu as touché un peu à ta... T'es un motivé, t'es un peu dans les, un peu beaucoup même dans les énergies qu'on appelle renouvelables, mais on pourrait appeler ça quoi, des énergies plus en lien avec la nature aussi peut-être, qui polluent moins. Je sais pas si t'es d'accord avec cette idée. Moi, je pense que le vent, quand il souffle, c'est une force. Hein, mais ta main, quand il y a du vent, ben ta main, elle est poussée. Hein, c'est génial. Le soleil, c'est fantastique. Ici, on est dans un domaine avec de l'eau, des étangs, le bruit de l'eau, le mouvement de l'eau. Évidemment que c'est la nature, mais cette nature, elle nous offre des possibilités invraisemblables. Hein. Sans elle, où est-ce qu'on est hein. Mais donc c'est ça l'idée, c'est que toi, tu planches un peu sur des projets où on dégueulasse moins le monde, les systèmes. C'est moi, ça j'aime pas envie du tout d'avoir un discours prêchi-prêcha. Hein. Je trouve qu'il faut avoir de la lucidité. Chaque être doit se fabriquer. Hein. Je suis un peu sur l'idée de Nietzsche, hein. C'est-à-dire pas un surhomme, loin de là, mais un homme qui a une finalité, qui l'assume. Hein. Et pas un être humain sous contrôle de forces déesses, des dieux, etc. Non, moi je pense qu'on a on est là. On doit créer ses propres perspectives par notre cerveau, par notre histoire, par notre mémoire, par notre capacité d'innover. Hein, et dans ces conditions-là, on a un beau parcours sur Terre. Et puis quand on disparaît, franchement, moi, je m'en fiche. Hein. Oui, mais soyons dans le concret. Je veux dire, la vie, la société, le système dans lequel on est, les systèmes, mais en même temps, le système, le gros système dans lequel on est, broie tout sur son passage. Ouais, et moi, je viens de trouver. Ouais. Attends, moi, je viens de trouver pour parler des énergies. Je veux dire, on sait bien que tout est basé. Il y a le nucléaire, il y a le pétrole. Enfin, voilà, on sait bien qu'il y a des alternatives à ça, mais on ne se bouge pas les fesses. J'avais envie de dire ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais j'avais aussi envie de. C'est un scandale. J'avais aussi envie. On y reviendra. J'avais aussi envie de te rencontrer parce que toi, tu es ingénieur. Et on m'a dit récemment, un autre ingénieur un peu plus conventionnel me disait que toute électronique, que ce soit ta machine à laver, ta perceuse, ça fonctionne avec des matériaux rares. Et que pour faire fonctionner ces engins, ben, comme il faut des matériaux rares, oui. Il faut aller les chercher, pas forcément... Mais qu'est-ce que ça sous-entend, cette réflexion Je peux te le dire, oui. Ça sous-entend que... ça voudrait dire que pour faire fonctionner des engins, ouais. Électroniquement déjà, ouais. Eh ben, peut-être ça pose plein de questions de l'usage de nos réserves. Oui, il y a l'usage de nos réserves, mais aussi, alors quoi, ça veut dire qu'il faut aller chercher. Enfin, alors, peut-être on n'est pas fait pour vivre comme on vit aussi, tu vois, c'est une question. Mais bon, au fond, tout ça, c'est un immense débat. Hein. Tu la comprends, ma question ? Oui, bien sûr. En fait, est-ce que. C'est un débat sur la modernité, c'est tout. Hein. Est-ce qu'on a envie de progresser à tout niveau ? Avec comme conséquence qu'on appauvrit peut-être notre, entre guillemets, planète, hein, parce qu'il y a des ressources, elles ne sont pas illimitées. Et quand on parle de matériaux rares, le moldi, ils sont rares. Hein. Est-ce que donc ça sous-entend qu'il y en aura un jour plus ? Peut-être bien. Hein. Et que parce qu'il y en a peut-être un jour plus, il ne faut pas en utiliser maintenant. J'aurais tendance à dire peut-être en utiliser trop, hein, parce que alors on touche à cette société de la consommation où finalement une petite foreuse de médiocre qualité, hein, on la jette vite, on la répare même plus. Donc ça c'est la question, est-ce que c'est rare, soyons économes, tant au niveau de l'extraction, hein, d'aller le chercher, que de l'usage. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est une question, je trouve, fondamentale un peu dans notre monde aujourd'hui, parce que moi, je ne me posais pas toutes ces questions, tu vois. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais on peut. Jusqu'où ça va continuer ? C'est très tendance. Tu dis ? Moi, je trouve que c'est très tendance. Hein. Non, c'est la conscience. Oui. C'est une conscience de prendre conscience, tu vois. Oui, c'est une conscience de se dire, mais tiens, au fond, tout ça, ce luxe, entre guillemets, hein, dans lequel on vit, ce n'est pas une donne. Comme ça, en claquant des doigts. Pendant ce temps, il y a des petits Africains qui crèvent dans les mines. Enfin, tu vois, il y a tout un système qui est mis en place. Mais ça, c'est le système profondément du capital qui se recrée à chaque soubresaut et crise. Il est toujours capable de se reconstruire, fondamentalement sur l'envie de chaque être humain d'avoir plus facile, de posséder, d'avoir un bien propre et de ne pas être, ne pas faire attention. Hein. C'est cette consommation qui est... Mais déjà, la consommation, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand je suis sorti de l'UNIF, c'est la première chose sur laquelle on en était contre, nous, à cette époque-là, c'était cette consommation. À outrance. À outrance. Hein. Mais comment veux-tu voir quelqu'un du peuple, entre guillemets, hein, qui voit autour de lui des gens qui possèdent beaucoup de choses, et il a aussi envie de posséder, il va aller acheter dans un bricot un outil bas de gamme, mais il aura quand même sa petite foreuse, parce qu'il a envie aussi d'avoir une foreuse. C'est très compliqué, cette histoire-là. Hein, oui, mais moi, je ne parlais pas de ça. Après, tu vois, il y a toute une logique et un marketing qui se met en place. Moi, je parlais plus des décisions, des décideurs, par exemple, de parcs éoliens, d'alternatives, de renouvellement vert, d'alternatives vertes. Tu vois, j'ai du mal à le dire. Oui. On sait bien que c'est du pipeau. J'aimerais bien, toi, comment tu te situes, écoute. Parce que toi, on touche directement, évidemment, à ton boulot, à ton métier, à ta recherche. Tout ça, ça touche directement, évidemment. Mais on ne peut pas nous faire croire que... L'énergie verte, ça existe, quoi, ça va. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de discuter. C'est-à-dire que il faut cerner les problèmes. Le premier problème, c'est qui décide, hein, qui autorise, hein, l'État, hein, les riches, les multinationales, qui décide. C'est une question ou bien tu as trouvé la réponse ? Non, c'est une question de départ. De départ. Alors moi, le citoyen, il va voter, c'est une démocratie participative, tu parles, hein, on sait très bien que le politique, une fois en place, il est là pour essayer de se renouveler, hein, et il manigance pour être réélu. Bon, le citoyen, dans tout ce bazar, il est franchement nulle part, sauf si aujourd'hui, il prend conscience de ce que tu dis, de tous ces aspects-là, et il commence à dire, ça suffit, c'est maintenant moi qui commence à prendre les choses en main. Hein, d'où on a démarré avec l'éolien participatif, c'est-à-dire créant des coopératives citoyennes, où finalement les gens qui ont du vent au-dessus de leur tête, hein, et qui voient débarquer des multinationales ou des privés pour finalement l'exploiter à leur nez, à leur barbe, hein, sans qu'ils aient même de revenus de ça. c'est scandaleux. Bon, donc le citoyen doit dire non. S'il y a du vent ici, moi je veux être en droit de l'exploiter avec mes concitoyens, avec d'autres citoyens d'ailleurs, etc. Mais tu peux, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Je veux dire, c'est quoi la différence entre une éolienne participative, on va dire, et l'électricité classique dans laquelle on est tous, quoi? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer c'est quoi? Une éolienne, c'est un outil qui tourne avec le vent et qui fait tourner une génératrice qui produit de l'électricité. Et cette électricité, chez nous, dans les grands parcs, les grosses machines, il est envoyé sur le réseau. Bon, et finalement, il ne va pas directement sur mon compteur à moi, il va sur mon compteur via le réseau. Hein, d'accord, ça c'est une chose. Maintenant, donc c'est une machine. Maintenant, cette machine industrielle, il faut bien qu'elle appartienne à quelqu'un. Donc, il y a une société qui va se créer, qui va obtenir un permis et qui va exploiter le gisement vent. Je parle en tant que mineur, c'est un gisement. Et il va l'exploiter pour son profit. Bon, alors cette société, ou bien c'est une société privée. Elle pourrait s'appeler comment pour qu'on ait des repères? Electrabel. Voilà, par exemple. Et voilà une société privée avec des actionnaires, bien évidemment, qui toucheront leurs dividendes. Bravo. Hein, ça, c'est très différent d'une société qui est constituée de gens qui se regroupent, en général dans une coopérative. Hein. Ce que tu as fait, toi? Moi, j'ai créé des coopératives et en faisant appel à l'épargne publique, c'est-à-dire aux gens. Hein, qui peuvent donc prendre des actions, mais la grosse différence, c'est que l'éolienne n'appartient pas à Electrabel, société anonyme, avec des actionnaires bientôt russes et tout ce que tu veux. Hein, ça appartient tout simplement à une société dont les actionnaires sont les gens sous le vent. Et ça, c'est pour moi fondamental. Mais les choses évoluent dans mon esprit, ça évolue très fort. Hein, c'est peut-être un peu lourd à expliquer tout ça. Moi, je trouve que les éoliennes, il y a beaucoup de détracteurs, mais bon, justement pour cette raison-là, hein, en particulier. Laquelle? Mais que ça ne leur rapporte rien. Que c'est dans leur paysage, c'est à côté de chez eux. Quand c'est mal foutu, ça peut même avoir des nuisances sonores. Hein. Oui, mais je veux dire, tu parles des éoliennes classiques, oui, industrielles, oui. C'est ça que tu parles? Il y a, les petites éoliennes, il n'y en a pas, hein. Ça, c'est la broutille, ça. C'est vrai, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, ouais, les éoliennes, oui, mais on sait que c'est une grosse arnaque, tout ça. Que non, c'est, pas... c'est quoi une arnaque? Quelle arnaque? Bah, dans le sens que l'éolien... bah, il pollue dégueulasse, quoi, quand même. Mais non, mais je veux dire, il a besoin déjà pour être construit, t'as vu cet immense bazar, quoi. Il y a de béton et de fer. Et de pétrole. Oui, mais aussi, mais n'importe quoi, n'importe quel outil, n'importe quelle centrale ou charbon nucléaire, n'importe quoi, a aussi besoin d'avoir de la ferraille, du béton, etc., pour être construit. Moi, je comprends pas cet argument, quoi. Hein, je comprends pas. Explique-nous là alors. Mais tout simplement, on construit une éolienne parce qu'on a un vent qui se renouvelle en permanence, qui est gratuit. On va le capter avec une hélice. Forcément, il faut bien la mettre en haut, cette hélice. Elle n'est pas sous terre. Il faut donc un mât. Hein. Mais quand moi je transporte de l'électricité avec des grands pylônes, c'est aussi un mât. Hein. Quand je fais des buildings avec des charpentes métalliques, des structures en béton, etc., c'est aussi des mâts. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis des mâts? Du pétrole, c'est ça? Mais le mât, c'est un... S'il est en béton, le seul pétrole qui se trouve dans le mât, c'est le pétrole pour fabriquer le béton. Et peut-être pour transporter le béton. C'est ça, le pétrole. Hein, Barbara, tu pars? Oui, je en plein interview, on voit les... qui vient demain, alors. Bon, on continue notre aventure. On continue. Oui, à tout à l'heure peut-être. Ouais. Mais oui, mais justement, défends alors tes idées, parce que... Mais je ne comprends pas ce que je dois défendre. Je ne dois quand même pas défendre qu'une énergie propre, renouvelable et propre... je dois m'expliquer pour comment je vais la chercher, et en face de moi, le type qui conteste ce genre d'énergie ne m'explique pas comment il règle les déchets nucléaires, comment il extrait l'uranium, comment il le transporte, comment il le fait produire, et comment il règle l'après centrale. Parce que Tchernobyl est un bel exemple, Sacristouche. On essaye de le camoufler en mettant un sarcophage dessus, comme ça on ne le voit plus. Hein. Mais il y a pour des centaines d'années un problème là derrière. Hein. Alors moi, je veux bien que les détracteurs de l'Eolia qui me proposent une solution propre, renouvelable et autre, quelle qu'elle soit, j'applaudis et je ne mets plus jamais une éolienne de ma vie. Mais je comprends que tu sois animé, ouais, bah, je comprends que tu sois animé, mais discutons, justement, parce que toi, tu baignes dedans, ça a l'air évident, mais moi, en fait, de plus en plus, je crois comprendre que le système dans lequel on est, on doit laisser tomber tous les matériaux rares, on doit laisser tomber le pétrole, enfin, je veux dire... C'est plus moi l'utopiste, alors carrément, c'est toi, hein, parce que pour finalement... Non, moi, je ne suis pas pour... Mais toi, tu t'as envie d'en faire que les industries continuent à tourner, en fait, parce que... Mais est-ce qu'on a le choix ? Mais oui, on a le choix. Quel choix ? On a le choix de... Retourner à l'agriculture avec des chevaux. Moi, j'ai des chevaux. Je veux bien, moi, faire un peu d'agriculture et peut-être planter une vigne avec un cheval ardennais pour cultiver ma vigne. D'accord, je peux, sur certains aspects, être en décroissance, hein, il faut maintenir une croissance nécessaire. On est une population de plus en plus nombreuse. On a des choses à vivre, à régler. Ouais, moi, t'as vu comment on vit, Bernard ? T'as vu comment on est complètement à la masse, tous ? Tu ne crois pas qu'il faut se poser des questions, se poser ? Oui, mais ça, c'est un débat. Alors, on reprend tout à fait autrement. Hein. Moi, c'est pour ça que je viens de voir. On ne reprend pas ce débat. Soit tu défends En critiquant... une approche quand même assez propre d'une situation. Le fait, un, qu'on utilise des énergies propres. Deux, qu'on essaye de les financer par l'épargne publique, par les gens qui sont en dessous de ces machines et qui peuvent en profiter. Et là, je vais maintenant bien plus loin. Je pense qu'on a une chance avec les renouvelables. Ça ne doit pas être un produit financier. Et pour le moment, c'est un produit financier. C'est un produit financier. Les sociétés font de l'argent avec leurs éoliennes, soit pour l'actionnaire parisien de EDF Luminus, soit pour le quidam de Houillet, qui a pris une participation dans une coopérative. D'accord. Houillet, c'est un bled ici, dans les environs, pour les gens qui ne connaissent pas. Houillet, ils ont déjà fait du kayak, ils partent de Houillet. Descendent de la Dès au départ de Houillet. Bon, voilà, donc quelque part, j'ai perdu plus de. Moi, je sais pas, mais de toute façon, tu dois t'occuper à te positionner pour dire oui, mais quoi, alors on vit autrement, mais non, il y a l'éolien qui est là, il y a moyen de faire des coopératives, que ce soit propre. Oui, je disais que c'était pour moi plus qu'un produit financier. C'est une possibilité d'une relocalisation de l'économie, c'est-à-dire des circuits courts. Nous autres, on a maintenant une éolienne et qu'est-ce qu'on fait ? Quand tu dis nous autres, c'est qui ? Ma boîte, Vendouillé. On a des éoliennes en propriété et quelque part, qu'est-ce qu'on fait ? Et quand tu dis des éoliennes, c'est des éoliennes, non, comme on voit, énormes. Oui. Ce n'est pas des petites artisanales, quoi. Non. C'est des grosses machines. Les petites artisanales, il n'y en a quasi pas. Bah, à Ménil, il y en avait une. C'était celle, non ? Non, ce n'est pas une petite. C'est une moyenne, on va dire. Okay. C'était une très grosse au moment où on l'a construite, mais depuis lors, on a construit des plus grosses. Donc, nous autres, on est propriétaires, on a une structure à finalité sociale. Voilà, encore quelque chose d'important, c'est que nous, on gagne de l'argent dans une certaine modernité, puisqu'on fait de l'électricité avec du vent, des matériaux rares, et du béton et du pétrole, oui, d'accord. Mais nos revenus, on essaie de les injecter dans des finalités sociales, je le dis bien. Première action qu'on a menée, qu'on mène depuis plus de 15 ans, on soutient l'Académie du Vent, c'est-à-dire l'organisation de stages pour les enfants et le fait qu'on fait des journées pédagogiques, parce que dans tout ce micmac, le plus important, c'est l'éducation. Moi, je trouve que tout notre argent, à nous, doit prioritairement aller vers l'éducation. Et donc, on soutient. Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux ? Parce que si on veut changer le monde de demain, on ne va pas le changer avec les idées que les adultes ont en tête maintenant. Mmh. Il faut que les gosses soit novateur, ait de nouvelles idées et aille vers ce que toi tu me proposes. Mais je suis d'accord, mais du coup, il faut que des adultes soient déjà aussi dans une autre manière de penser. Parce je pense que. Oui, mais c'est. Il faut plancher sur le futur, les gamins, c'est sûr, mais il faut des adultes qui les encadrent et qui sont déjà dans une autre vision du monde. Si tu viens me voir, j'imagine c'est que tu crois que je suis peut-être un de ces adultes, hein? Moi, je crois que tu as du potentiel. Après, je ne sais pas très bien vraiment comment tu te positionnes, parce que c'est sûr qu'il faut gagner sa croûte. Et puis, comme tu es peut-être un être, entre guillemets, génial, du coup, tu as peut-être des opportunités aussi, mais... Tu vois, dans quelle mesure tu restes bien fixe ou tu vois clair sur le monde dans lequel on est ? L'éolien, en 1980, j'ai fait des mesures de vent pour mettre des éoliennes à Ménil-l'Église. En 1980, personne ne pensait éolien. Hein. J'ai commencé le solaire en 1976. L'énergie solaire, je suis un pionnier d'énergie solaire. Maintenant, on met du solaire sur quasi tous les toits. Hein. Voilà. Et les réserves d'eau, j'en ai parlé tantôt. Le grand problème que moi je pressens, moi, bien sûr pas moi, tout le monde est conscient de la problématique de l'eau. Ici, nos étangs, ils sont presque vides, il n'y a presque plus d'eau qui arrive dans nos étangs. Donc il y a des grands problèmes, il faut innover, il faut trouver des formules. Je planche toutes mes nuits sur des idées. Pour le moment, on a un gros projet sur Palisole. On a racheté la gare de Palisole, toujours vendouillée, hein, pour en faire un lieu, un tiers-lieu, un lieu de rencontre pour les gens et les associations locales. Et deuxièmement, pour en faire un centre de mobilité lié à l'énergie solaire. Donc, on a des vélos électriques, voitures rechargées par de l'électricité qu'on produit nous-mêmes. Est-ce un bien, est-ce un mal, ces véhicules électriques? Ça t'énerve de parler de tout ça ? Non, pas du tout. Parce qu'on est en plein, plein dedans, c'est-à-dire qu'on nous propose un nouveau monde demain, là, oui, tu sais. Moi, j'entends les gens qui n'arrêtent pas de me dire, ou de, comme tu le fais, on veut revenir au point zéro, on va dire. Hein. Non, tu ne m'as pas laissé développer, moi, ce n'est pas une question de point zéro. C'est pas ça, c'est tout de suite, les gens, quand tu commences à parler de ça, ils te disent, oui, mais tu veux revenir à la bougie. Bon, d'abord... Peut-être, on n'y était pas. On n'y était pas. Ben oui, mais peut-être le monde sans la bougie était peut-être plus intelligent. Va-t'en savoir. On fait croire l'inverse. On fait croire que non, en fait, l'être humain, il va toujours en allant plus intelligent, plus moderne, plus civilisationnel, là, tu vois. Mais c'est peut-être complètement bidon, ça, tu vois. On ira jusqu'au bout de cette illusion, hein. Parce que quand tu réfléchis comment sera l'être humain dans 1000 ans, on va prendre 1000 ans, ce sera un androïde. Hein. Ouais, ou il ne sera plus là. Hein. Ou on sera plus là. Ou ce sera un être. Toute la problématique sur les robots, elle est quand même interpellante. Hein. Voilà, ça, c'est les vraies questions. Vers quoi va-t-on sans même aborder la question des nuisances de notre technologie. La grande question philosophique, vers quoi va-t-on ? Vers quel être allons-nous ? D'abord, quel être sommes-nous ? Hein ? Et est-on satisfait ? Hein ? Ouais. Moi, la question philosophique, alors, c'est de dire, est-ce qu'on est vraiment obligé de vivre comme on nous dit de vivre, quoi ? Je fais des raccourcis, mais par exemple, à la base, j'ai lu pas mal Néandertal, Homo sapiens. Tu sais que c'était le top, hein ? C'était peut-être une période de l'histoire où on n'était pas trop sur la Terre. Non, mais je veux dire... On est vachement loin, parce qu'au moins, eux, ils avaient des autodéfenses, ils savaient se battre contre un virus, tu vois. Et nous autres, aujourd'hui, c'est ça aussi la grande question qu'on soulève pas trop. Quelles sont nos capacités d'immunité contre un virus ? On n'en a plus, hein, parce qu'on est surmédicalisés, on nous fout les jetons en permanence. C'est ça, le côté pervers de notre société. Ouais, qu'il y ait des gens qui profitent, etc. C'est désastreux. Mais le drame, je pense, c'est d'avoir une société de la trouille. on nous est en train de nous faire une société de la trouille. Ça fait longtemps qu'elle est en route, je crois. Ouais, mais bon, maintenant, tu sais, le confinement, avec toute l'évolution technique et technologique, je pense qu'il y a 20 ans, on ne savait pas confiner les gens. On n'aurait pas pu les confiner. Mais regarde, voilà, Bernard, c'est ça que je veux que tu arrives à comprendre ma pensée. Ma pensée, ce n'est pas retour à la bougie. La question fondamentale, c'est... On s'est fait tous bien avoir. Parce que quand tu dis qu'on n'était pas confinés, on nous a appris de plus en plus à être confinés. Mais oui, regarde notre petite maison, nos petites voitures. On est confinés dans notre tête. Oui, c'est clair. Mais tout le monde ne l'est pas. Hein. Moi, je ne suis pas confiné. Sûrement quelque part un petit peu, peut-être pas sur certaines choses, mais on est tous confinés dans ce monde, tu vois. On ne peut pas y échapper. Il y en a qui échappent plus ou moins, quoi, tu vois. En tout cas, on doit être en réaction permanente, hein, ça c'est clair. Hein. C'est vrai que je rentre quand même dans une voiture, hein, mais je n'ai pas besoin d'avoir une grosse voiture. Hein, j'ai une petite voiture. Bon. Je n'ai pas besoin de frimer. Hein. Tout ça, c'est basique, finalement. Oui, mais je voulais que tu comprennes juste qu'au fond, on s'est tous fait avoir dans l'histoire, l'être humain, parce qu'on est devenu de plus en plus sophistiqué et peut-être de plus en plus con. Et moi, pour revenir à l'énergie... Je sais pas si, enfin ouais, mais non, il faut déjà avoir un certain regard. C'est pas retour à la bougie, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce bazar, de produire des choses énormes comme on sait qu'il y a un surplus de consommation. Est-ce que, enfin, tu vois? Non, bien sûr que la réponse est, on a évidemment pas besoin de ça. Hein. Quand on avait il y a 35 ans, je vais dire, chez mes parents, un frigo, eh bien 35 ans plus tard, le frigo était toujours là, et il fonctionnait très bien. Il était même mieux isolé que les frigos actuels. Hein. Il consommait plus parce que le moteur, ce n'est pas les mêmes choses. Mais donc, la question, elle est là. Cette super surconsommation, c'est ça le désastre. Hein. Parce qu'en fait, il n'y a plus un seul objet durable. On va même plus loin. L'obsolescence annoncée dans certains ordinateurs. Est-ce que tu te rends compte qu'ils sont programmés pour qu'on doive les remplacer? Oui, mais ça, tout le monde le sait maintenant. Même nos téléphones, même tout comme ça, tu vois. Par exemple, moi, je ne suis pas sur Facebook. Tu vois, il y a moyen d'avoir des combats très simples. J'utilise à peine le téléphone, j'envoie pas des SMS, je suis réticent. Mais c'est toi, à titre individuel, je veux dire, collectivement. Parce que tu vois, on est tous là pour finir. Oui, mais moi, je charrie, hein, moi, j'aime bien. Hein. Mais collectivement, tu vois, toi, c'est quoi ton combat puisque tu es dans les énergies et que moi, je viens te titiller en disant, mais attends, Bernard, les énergies vertes qu'on nous dit là pour le futur, c'est le nouveau capitalisme vert, en fait, c'est un nouveau marché. Ils sont occupés à mettre un nouveau marché. Et ils sont obligés de nous idéologiser dans la tête d'abord pour dire, mais oui, c'est vachement bien. L'électrique, c'est vachement... c'est le futur. Mais en fait, on sait bien que c'est pas vrai, quoi. J'aimerais bien entendre ce que tu as à dire là-dessus. Moi, ce que je dis, et je ne changerai vraiment jamais d'avis, on a des ressources qui s'appellent d'abord le soleil. Hein. Le soleil, il nous chauffe, il nous fait plaisir. Hein. C'est une ressource colossale, fantastique. Il faut exploiter l'énergie solaire. Voilà. Et il faut arrêter toutes les autres conneries. Il faut exploiter l'énergie solaire. Il y a des recherches extrêmement avancées. J'ai été un jour à Alexandrie, en Égypte. C'était il y a un savant égyptien qui avait reçu le prix Nobel et qui était donc nommé docteur honoris causa de l'université. Donc j'étais là lors de cette espèce d'événement. C'est bien, ça a dit. Hein, c'est bien, il y a longtemps. dans les années, il y a une dizaine. Non, il y a quand même déjà 20 ans. Hein. Ah ouais. Et en fait, lui, il avait fait une recherche sur il avait réussi à décoder la photosynthèse. Voir comment se fait une photosynthèse d'un point de vue chimique. Hein, avec un jeu de laser pour aller vraiment faire une... C'est difficile à expliquer. Une mesure de cette transformation. Hein, avec des applications assez incroyables. C'est que une plante, elle fait la photosynthèse pour accumuler, elle prend le rayonnement, elle accumule de l'énergie pour sa croissance. Mais si toi, tu as une couleur, par exemple, sur ton vêtement qui est capable d'absorber le rayonnement comme le fait une plante, et au lieu de faire grandir ton vêtement, le stock, hein, tu as un capteur fonctionnant sur le principe de la photosynthèse, hein, un capteur qui permet d'avoir de l'énergie. Imagine les perspectives, et on y arrivera. Hein. Dis-moi, c'est quoi les perspectives ? La perspective, c'est qu'on va faire des peintures absorbantes du rayonnement et le traduisant en énergie. Donc tu imagines des maisons, des toits vont être des toitures avec des coatings, des peintures, énergie. Les vêtements, les bagnoles, on va vers tout à fait autre chose que ces foutus capteurs que tout le monde connaît avec des petites cellules collées l'une à l'autre, etc. etc. On va, je crois que si on voit à 15 ans, à 20 ans d'ici, on va avoir une révolution du même type que la révolution Internet. Hein. Avec ces énergies vertes ? Avec le soleil. Avec le soleil. Je vais même plus loin, je crois que le vent, l'éolien sera, c'est un transit, c'est transitoire. On va arriver à une énergie solaire distribuée sur toute la planète, hein, certains pays un peu plus que d'autres, mais tu serais quand même étonné que l'ensoleillement en Belgique, par rapport au Sahara, c'est pas 21, hein, c'est à peine 3-1. Hein. Donc, je crois que l'avenir, il est, si on laisse encore un peu l'homme intelligent, conscient, développer quelque chose, il va pouvoir faire une planète à ce moment-là beaucoup plus équilibrée. Parce que, et ça c'est mon slogan, plus la guerre pour l'énergie, hein, l'énergie pour la paix. Parce que cette énergie bien distribuée, c'est un vecteur de paix. Hein. Pourquoi les gisements qui se trouvent dans le sol, maintenant on n'a plus de charbon, on importe du charbon à la limite de Pologne parce qu'il est assez ouvert. Bon, comment se fait-il que le fioul se trouve dans certains pays et pas dans d'autres ? Cette mauvaise distribution engendre la guerre. Hein ? La guerre du pétrole, la guerre du feu. On a toujours fait la guerre pour l'énergie. On a une énergie distribuée sur toute la planète. Bien sûr, ils essayent de se l'approprier, les gros groupes, à contourner l'évidence, c'est que ça appartient à tout le monde. Oui, mais quand tu dis ils essayent, bah, ils s'accaparent, point. Ce n'est pas qu'ils essayent, ils l'ont. Alors là, je vais te raconter une histoire. Ce sera un petit détour, hein, mais qui explique bien le fond de ma pensée. Hein. En 73, on est allé dans l'Himalaya avec Mass Moving. Donc ton associé, quoi. Oui, donc c'était un groupe à l'époque de... un mélange d'artistes, d'ingénieurs, de babacool. Bon, c'était l'époque. Hein. On est allé dans l'Himalaya, expédition complètement pauvre. On n'avait pas de fric, rien du tout. On est monté dans les neiges éternelles. On a délimité ce qu'on appelle un claim, une concession, par quatre piquets, avec la position exacte, longitude, latitude de chaque piquet. Et on est allé au ministère des Mines, on nous a revirés en disant, qu'est-ce que vous venez de raconter ici, en disant, voilà, nous on demande le droit sur cette concession, le droit d'exploiter ce gisement de neige éternelle que nous appelons de l'eau pure. On avait mis un petit émetteur pour signaler la position de la réserve d'eau pure. Bon, eh bien, ça c'est 73. Il y a, en 2009, j'ai refait l'exercice autour de la Belgique. On a pris des piquets, et on est allé planter nos piquets aux quatre coins de la Belgique, en introduisant auprès du Premier ministre et des deux ministres-présidents flamands et région wallonne, une demande de droit. On s'est approprié le gisement vent, c'est-à-dire le mouvement du vent, au-dessus de ce territoire. Bon. Arguant du fait que c'est une res nullius. Elle appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Alors on m'a pris un peu pour un dingo. Hein, mais je l'ai fait. C'est fait. C'est déposé. Je vais relancer l'opération. Parce que quand tu réfléchis bien, toutes les réserves, quelles qu'elles soient, font toujours l'objet soit de contrats, soit de concessions, soit de conventions. Prends par exemple l'eau. Ben, l'eau, tu ne peux pas puiser de l'eau comme tu veux. La Hollande et la Belgique ont des accords bilatéraux sur la Meuse. Ils se sont appropriés tout ça. Maintenant, les gens s'approprient devant pour construire leur éolienne. Avec comme conséquence, si tu vois le terrain en face, demain, toi, tu mets une éolienne là. Et moi, j'ai le terrain à côté. Eh bien, tu m'as pris mon vent. Tu ne m'as rien donné. Hein. Tu te l'es approprié. La région Wallonne t'a juste donné la possibilité de construire au partir du sol. Mais la région Wallonne devait négocier le gisement, le flux. Elle ne le fait pas. Hein. Donc, moi, je crois que c'est un précédent assez canon. Mais ça veut dire quoi dans l'esprit de renouveler un peu tout ce beau monde? Ça veut dire que le gisement vent ne peut plus être approprié par des sociétés privées. C'est un bien collectif et ça doit être exploité pour le bien collectif. C'est tout. Et donc, en travaillant comme ça, je réponds peut-être indirectement à ta question de savoir le monde de demain. Ben, le monde de demain, il doit être dans les mains des gens, hein. Il est vraiment pas, hein, là. Mais c'est parce qu'il ne l'est pas qu'il faut pas œuvrer. Moi, jusqu'à ma mort, même dans mon tombeau, je serai encore en train de râler. Et je ferai tout ce que je peux pour essayer d'obtenir des avancées. Je ne crois pas trop à révolutionner quoi que ce soit, parce que une fois que tu révolutionnes, c'est quand même récupérer illico presto. Ben là, c'est vachement fataliste, hein, là, ce que tu dis. C'est vrai, mais en même temps, il faut continuer. Je crois qu'une révolution, c'est sanguinaire, hein, mais peut-être qu'il faut passer par le sang. Hein, mais on a quand même vu toutes ces révolutions. Ça fait bouger, c'est vrai. Hein, s'il faut passer par là, faisons une bonne révolution. Hein, coupons la tête, mais à qui? Aux politiciens, aux nouveaux nobles, c'est-à-dire les dirigeants des multinationales. Allez, quand tu vois les quelques personnages dans le monde, le patron de Facebook, de Google, Elon Musk, ou je ne sais plus comment il s'appelle, c'est des canailles, hein. C'est vraiment on leur a donné tout ce pouvoir, hein, tu vois. Ils ne sont pas nés comme ça par magie, non, c'est ça aussi. Ils ont inventé des trucs que nous achetons. Oui, mais ils ont le monopole. Ils se le sont construits. Non, on leur a donné. Non, mais ça, les gens oublient souvent. C'est qu'on leur a laissé le monopole. Il n'y a personne qui peut venir faire concurrence, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a des lois, et donc ils ont réussi à manipuler, à utiliser les lois, la protection les brevets. Hein. C'est un peu normal qu'on puisse breveter, mais si le brevet devient créer un monopole, alors là, c'est un petit peu méchant, quoi. Hein. C'est pas très logique. Surtout sur du bien commun. Sur du bien qui touche aux besoins des gens, tu vois. Quand le type invente un parachute spécial et qui est utilisé par 50 personnes, moi, il peut avoir tout le brevet qu'il veut, moi, je m'en fous. Mais quand ça touche à mon bien-être normal, légitime, j'ai pas envie d'être... Allez, Monsanto, maintenant, qui commence à gérer les graines. Est-ce que tu te rends compte de l'invraisemblable scandale, quoi? Et là, il n'y a pas de révolte. Mais il faut casser les carreaux de Monsanto, quoi. Il faut pendre ces gens. Mais oui, mais on n'aurait jamais imaginé ça non plus. C'est venu petit à petit, ça a transformé les gens, mais aussi dans leur pensée, dans leur manière de penser. Mais on est à 48 minutes, allez, 5 minutes encore. Ouais. Et j'avais envie, juste ma dernière question, c'est... Quand tu vois tout ce bazar, c'est vraiment le chaos, hein, c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment, je veux dire, on est obligé de se reposer des questions fondamentales sur notre manière de vivre, et le confinement et tout ce bazar, le virus, nous fait croire qu'il serait possible, là, maintenant, on réalise que ça ne va pas. Ouais. Bon, ça fait longtemps que ça ne va pas, hein, moi, je crois. Mais tu ne crois pas qu'il faut tout démanteler? Je parle aussi du point de vue énergétique, hein, du point de vue de notre alimentation. On sait qu'un yaourt va faire le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette. Le grand problème, ce n'est pas des principes. Ma fille, elle est végane. Elle me dit, tu sais, tu as mal aux articulations. Moi, j'ai arrêté tout produit laitier, tout ce truc-là, et j'ai plus mal. Tu devrais faire une cure pendant 3 semaines. Bon, tu vois, c'est simple comme bonjour. Eh bien, Bernard, j'aime quand même bien le fromage. Bon, le problème, c'est qu'en fait, les principes sont là, mais si on n'est pas contraint et forcé, on arrive toujours à pas les appliquer. Hein. Et ça, c'est l'humain, et je suis le premier à m'originer, hein, en me disant, mais mon vieux, qu'est-ce que tu fais là, hein? Et néanmoins, bon, voilà, c'est quand même plus facile. Hein. Je me justifie autrement, je me suis justifié peut-être pendant toute cette interview, hein, finalement. Non, j'essaye de comprendre déjà ta pensée, moi. J'essaye de la comprendre, parce que moi qui suis là à parler des hommes des cavernes et des femmes. En fait, il y a un gars qui a fait un film sur moi qui s'appelait Incomplet dans tout. J'apparais très incohérent, hein, pour beaucoup de gens qui me connaissent, parce que je fais un peu toutes sortes de trucs. Et en fait, moi, j'estime que j'ai une très grande cohérence. Parce que tout se relie, tout se tient. Tout se construit à partir d'hier, en fonction de demain. Il y a beaucoup, beaucoup de cohérence sur ma vie. Ma vie, elle est cohérente, même si c'est difficile à suivre. Même mon épouse, elle a difficile à suivre parce que je pars dans une direction, puis je fais marche arrière, je vais dans une autre. C'est, je sais pas, c'est comme ça, je suis construit comme ça, moi. Moi, je te voyais plutôt comme le gars génial qui construit vraiment une éolienne artisanale, quoi. Mais après, si j'ai bien compris, non, toi, tu as vraiment pris aussi un autre chemin qui est plus aussi, alors, de fonctionner avec le business qui est déjà en place, quoi. Mais alors, plus pour coopérer, pour dire que les gens... Mon rêve a toujours été d'être très riche pour pouvoir être un grand philanthrope. À la Bill Gates, ça. Alors, on sait bien que ce n'est pas vrai, hein, Bill Gates. Non, mais je ne sais pas du tout s'il est philanthrope. Il a une fondation. Il fait semblant. C'est pas très difficile d'avoir une fondation qui distribue un peu de fric quand on a des milliards. Mais moi, comme je suis philanthrope, hein, parce que ce que je gagne dans ma société va d'abord vers l'autre avant d'aller vers moi. Hein, et ça, beaucoup de jaloux, vraiment. Tu l'as dit tantôt, on aime ou on déteste. J'ai beaucoup de gens qui me détestent. Hein. Eh ben, je leur fais un pied de nez. Parce que franchement, je ne vois pas ce qui est vraiment détestable. Hein. Je suis quelqu'un de correct, éduqué, et bien sûr, pour naviguer, hein, je suis un peu pirate. Hein, il faut parfois prendre... des drôles de direction pour continuer à naviguer. Hein. Mais il faut rester correct, il faut avoir des valeurs. Moi, j'ai des valeurs. On ne peut pas faire des coups de pute, comme on dit. Hein. Non. Mais c'est là où difficile de décrypter, hein, difficile de voir dans le personnage, le vrai personnage. Hein. Mais les gens qui me connaissent, qui me côtoient, il n'y en a aucun qui a cette impression... que je le détournerai. Hein, non, c'est clair. Allez, les mots de la fin, c'était peut-être ça, les mots de la fin. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur toute cette discussion? Voilà encore Graziella qui se pointe avec ses questions de... Oh là là, il y en a marre de ça. Pourquoi tu crois que je réponds? Et parfois avec virulence. Parce qu'il faut répondre. Il faut répondre à ces questions tel que je suis, tel que je peux être, sans prétention, sans... j'ai pas de vérité, hein. Moi, je viens pas chercher la vérité. Je trouverais ça trop génial de construire des petites éoliennes, qu'on sache que tu nous apprennes à le faire nous-mêmes, mais qu'on et qu'on n'ait plus besoin d'Electrabel, justement. Moi, je crois que ça, c'est un joli pied de nez, mais c'est pas comme ça que tu te situes, toi, quoi. Je veux bien même me situer comme ça, hein, avec l'histoire des enfants. J'ai fait un plan, hein, pour construire une petite éolienne, que les gosses puissent la construire, qu'on pourrait construire avec une imprimante tridimensionnelle. Encore, vas-tu me dire, ah ouais, ben c'est une imprimante tridimensionnelle. Mais je pense que dans la situation d'aujourd'hui, il faut plutôt essayer que l'enfant soit éduqué avec les outils qui sont là, que l'on les aime ou qu'on ne les aime pas, Hein. Il faut essayer de l'éduquer avec ses outils dans une bonne perspective. Et donc, on pourrait faire des petites éoliennes. Chacun la fabriquerait dans un petit atelier. J'y pense fort à le faire. Mais ça ne produira pas grand-chose. Hein. Il faudrait quand même aussi avoir un minimum les pieds sur terre. Une petite éolienne, ça ne produit pas grand-chose. Oui, mais j'aime bien, il faut avoir un minimum un pied sur terre. Mais ouais. Qui a les pieds sur terre? Est-ce que le monde dans lequel on est a les pieds sur terre, tu vois, en faisant des immenses éoliennes gigantesques? Enfin, voilà, c'est une question. Mais elles ne sont pas gigantesques, d'une part. Attends, je comprends pas qu'on n'aime pas les éoliennes. Les moulins à vent, il y avait... Je pourrais prendre d'autres exemples, mais là, on est dans les énergies, entre guillemets, vertes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'éolien, il y a le solaire, les panneaux solaires aussi. Les panneaux solaires, ils ont le toit, tu ne les vois même pas. Ouais, mais c'est une construction dégueulasse. Une construction dégueulasse, un panneau solaire, mais c'est oui, bon. Oui, quand tu réfléchis vraiment bien, je veux dire, après, on en produit. Je vais te montrer... De solaire artistique, très beau, hein, une fleur avec du solaire, des panneaux solaires, hein, pas plus loin qu'ici derrière, j'ai une fleur. Ouais, écoutez, une vraie fleur ou bien un truc en plastique? Une œuvre d'art, en métal. Oui, ah oui, d'accord. Oui, mais bon. D'accord. Oui, mais à vrai dire, moi je vais un jour t'interviewer. Ah hein. Oui, mais tu peux, vas-y. Hein. Et te demander ce que tu proposes, et demander comment tu vas y arriver, et comment tu vas passer, comment tu vas faire une transition, parce qu'on ne passe pas d'un truc à l'autre sans transition. Mais pour moi, Bernard, j'ai pas toutes les solutions, mais le système dans lequel tout doit s'écrouler. C'est-à-dire qu'on arrête de penser gigantesque, industrie, on arrête. Pour moi, l'image. Après, mais il faut réfléchir, il faut aller voir plus loin. Les Indiens d'Amérique. Oui. Qui étaient les premiers sur le territoire, ils étaient complètement autonomes, ces gens. Hein. Tu crois qu'ils avaient besoin Tu crois qu'ils vivaient mal? Tu crois non, que je pense qu'il faut pas aller chercher les Indiens d'Amérique avec leurs chevaux. C'était des nomades. T'as qu'à remonter ici. Post-Néandertal, Cro-Magnon, tout ce que tu veux. C'était aussi des tribus. Oui, mais c'est une nouvelle question, c'est une nouvelle conscience que j'ai. Je ne pensais pas comme ça l'année dernière, mais je me dis, est-ce qu'on vivait si mal au fond? Écoute, je vais te dire un truc tout à fait surprenant. Hier, je ne sais pas pourquoi, je tombe sur un mot archipel. Hein, je me dis, c'est quoi un archipel? Hein, et j'ai écrit hier soir un texte archipel, hein, qui dit, en fait, un pays, une ville, une région, c'est un archipel. Hein. Il y a là-dedans des communautés, il y a des familles. C'est, tout ça, c'est des îles. Il faut qu'on revienne à beaucoup plus d'autonomie. On doit recréer les archipels, qui sont finalement la convivialité, hein, avec l'économie interne. Parce que le drame ici, c'est que nos artisans, ils n'ont plus de boulot. Hein. On a tout mis dans des petites fabriques sur des zonings industriels. Moi, j'ai fait faire un travail maintenant par un artisan ici, soudeur. Je vais le voir, c'est en direct. On regarde ensemble. Pas besoin de plan fait sur ordinateur. Je lui fais un dessin tridimensionnel. Fred, il comprend. Il fait son commentaire, sa proposition. Je dis, ah oui, c'est une bonne idée, on va faire ça comme ça, on va essayer. C'est un proto, on verra bien. On fait le proto, on l'a mis à Palisol, c'est magnifique. Bon, donc... Cette notion d'archipel, j'en parle parce que ça date d'hier. Donc, en permanence, tu dois tout le temps chercher quelles sont les formules. Alors, l'archipel, c'est anti-mondialisation, hein, tu vois, c'est contre la mondialisation, à fond, puisqu'on parle de retrouver un ensemble de petits îlots qui sont un agglomérat, mais où sur chaque île, chaque famille, quelque part, il y a de l'autonomie et il y a de la responsabilité. C'est comme ça qu'on sortira. Du truc. Et pas en disant il faut tout mettre à zéro. Il faut une ligne de conduite pour qu'on puisse faire cette vraie transition. Mais recréer... On a fusionné toutes nos communes. Merde ! En France, c'est pas fusionné. Chaque petite commune, même de 100 habitants, a encore son maire. Ça veut dire qu'on traite les problèmes locaux. En fusionnant, on ne traite plus les problèmes du village. Les routes de Ménil-Église, elles sont complètement dégradées. Est-ce que tu crois que la commune va les réparer, si elles sont communales? Mais non, il y a 5 électeurs. Donc, on ne va pas le faire. Bon, donc, oui, moi je veux bien réfléchir, je veux bien être créatif sur la notion de on reconstruit le découpage administratif, le découpage politique de nos régions, de nos pays. Hein. On arrête cette, le monde féodal à regrouper des gens qui n'avaient rien à voir entre eux, les Cathares et les Bretons. Allez, franchement, et nous avec les Flamands, on a deux communautés qui sont, qui s'entendent par la raison et qui s'entendent en fait même pas. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je crois qu'on s'entend, peut-être plus qu'on ne croit. Oui, mais c'est peut-être par cette histoire-là qu'on va faire ce que tu as envie de faire. C'est, il faut recomposer le paysage économique et politique. C'est, il faut le recomposer, pas en rayant tout, parce que ça, tu seras sur le bûcher, hein, ma petite Jeanne. Hein, ma petite Jeanne d'Arc, tu seras sur le bûcher, quoi. Ça ne marchera pas. C'est trop ancré, c'est... On doit couper. Merci, Bernard. Oui, mais on coupe. Ah, ouais, oui, merci. Oui, on coupe. Ben, coupons. Moi, je croyais qu'on devait couper le cordon. Non, on doit couper, là. Ah ben, on coupe.